The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Marshal. Le maréchal. Secretary of State. Le secrétaire d'État. Trench. La tranchée. Exhausting. Exténuant. In a deadlock. Sans issue. Hostility. L'hostilité. To invade. Envahir. Armistice. L'armistice. To become. Advenir de. Ceasefire. Le cessez-le-feu. Right away. Sur le champ. Fight. Le combat. Now, a bit faster. In a deadlock. Sans issue. Right away. Sur le champ. In a deadlock. Sans issue. Hostility. L'hostilité. Fight. Le combat. Ceasefire. Le cessez-le-feu. To become. Advenir de. Fight. Le combat. In a deadlock. Sans issue. Armistice. L'armistice. Hostility. L'hostilité. In a deadlock. Sans issue. To become. Advenir de. Trench. La tranchée. To invade. Envahir. Right away. Sur le champ. Exhausting. Exténuant. To become. Advenir de. Armistice. L'armistice. Ceasefire. Le cessez-le-feu. Armistice. L'armistice. Marshal. Le maréchal. In a deadlock. Sans issue. Secretary of State. Le secrétaire d'État. Marshal. Le maréchal. Now, use the words in context. Exténuant. His work is very grueling. He works every day under the burning sun. Son travail est vraiment exténuant. Il travaille toute la journée sous le soleil brûlant. Sans issue. With the battle being in a deadlock, the army has decided to surrender. Ce combat étant sans issue, l'armée décida de se rendre. Advenir de. What became of your childhood dreams? Qu'est-il advenu de tes rêves d'enfant? Le cessez-le-feu. The ceasefire was ordered on December 15th at 10 p.m. Le cessez-le-feu a été ordonné le 15 décembre à 22 heures. Sur le champ. She must undergo an operation right away. Elle doit subir une intervention chirurgicale sur le champ. Exténuant. His work is very grueling. He works every day under the burning sun. Son travail est vraiment exténuant. Il travaille toute la journée sous le soleil brûlant. Le cessez-le-feu. The ceasefire was ordered on December 15th at 10 p.m. Le cessez-le-feu a été ordonné le 15 décembre à 22 heures. Sur le champ. She must undergo an operation right away. Elle doit subir une intervention chirurgicale sur le champ.